Et maintenant, la méditation parfaitement intranquille, quoique, de Ravi Ferrix, 7 et OBC. Bienvenue, trop merci d'être là. Et voilà, je vous laisse. Et comme d'habitude, on va faire un soundcheck en direct. Salut. Alors aujourd'hui, on va introduire notre méditation intranquille avec la lecture d'un poème d'un poète palestinien qui s'appelle Najwan Darwish, qui est né en 1978 à Jérusalem. Il se partage aujourd'hui entre sa ville natale et Haïfa. Et en plus de sa production poétique, qui est traduite dans plusieurs langues, il assume depuis de nombreuses années, la rédaction en chef des pages culturelles d'un grand quotidien d'information, Al Arabi Al Jadid. Phobie. Ils vont m'expulser de la ville, avant la tombée de la nuit. Je n'ai pas payé la facture de l'air, disent-ils, ni celle de l'électricité. Ils vont m'expulser de la ville, car j'ai failli de même avec le soleil et les nuages. Ils vont m'expulser de la ville avant le lever du soleil, car je n'ai pas arrêté de dénigrer la nuit et n'ai pas adressé de louange aux étoiles. Ils m'expulseront de la ville avant que je ne me détache de l'utérus, car pendant 7 mois, je n'ai pas cessé de guetter l'existence et d'écrire des poèmes. Ils vont m'expulser de l'existence, car j'ai un faible pour le néant, et ils vont m'expulser du néant, car j'ai un rapport ambigu avec l'existence. Ils vont m'expulser de l'existence et du néant, car je suis le rejeton de l'évolution. Ils vont m'expulser. merci beaucoup la méditation. Merci beaucoup OBC, Live FRX 7. Et puis ben, on se retrouve demain. Oui. demain on accueille un nouvel invité qui viendra avec son violon et sa voix. Mais c'est qui ? Invité surprise. D'accord. On se réjouit. Gros bisous la radio. À bisous, demain. Bisous. Ciao.